pas que j'y aille. Je savais bien que cela m'était interdit. Cette branche cassée, ma chute, bref un détail à mettre sur le compte des petits accidents de la vie. Je savais bien que ça sentait le mercurochrome, mais moi j'aime bien faire des trucs interdits. Mon père me dit que c'est comme ça que l'on devient un homme. Je sais pas pourquoi ma mère lui répond par des cris. Je savais bien qu'il ne fallait pas que j'y aille. Je savais bien que cela m'était interdit. Cette branche cassée, ma chute, bref un détail à mettre sur le compte des petits accidents de la vie. Vraiment trop haut, pour être honnête, il me fait peur. Si je n'y vais pas, je tombe de haut dans l'estime de ma petite sœur. Alors je monte un à un les barreaux de la grande échelle. Moi qui plus tard veux être pompier, faudra d'abord que je m'entraîne. Je savais bien que ça sentait la pommade. Je glisse sur le toboggan et ne contrôle plus ma vitesse. Ma situation est critique et ma sœur en pleine rigolade. Quand j'atterris violemment dans le bac à sable sur les fesses. Je savais bien qu'il ne fallait pas que j'y aille. Le toboggan pourtant est un ami. Cette aventure, ma chute, bref un détail à mettre sur le compte des petits accidents de la vie. Quand on n'a pas encore 10 ans, souvent on tombe, ça c'est sûr. On apprend à reconnaître ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Parfois on croit savoir et patatras. Pourtant il faut toujours que l'on y aille. Et plus tard on y repense et l'on en rit. De ces bobos, de nos chutes, de ces détails à mettre sur le compte des petits accidents de la vie.